Des rassemblements consacrés au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, leader éternel du parti et du peuple coréen, se sont tenus le 15 dans les provinces, villes et arrondissements et les complexes, sous la participation des officiels des organismes locaux du parti et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des usines et entreprises, ainsi que des travailleurs. Les responsables des unités intéressées ont prononcé des rapports.